Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire, Mohamed Ali, champion de boxe et ténor du mouvement contestataire des années 60 aux États-Unis. So great, I don't have a mark on my face, yes. And I upset Sonny Liston, and I just turned 22 years old. I must be the greatest. I see now, give us that poetry on number seven. He wanted to go to heaven, so I took him in seven. You took him in seven. I am the king of the world. Hold it. C'est en 1964 que Mohamed Ali, qui s'appelle encore Cassius Clay à l'époque, devient champion du monde de boxe en remportant son combat contre Sonny Liston. Dans sa carrière chez les pros, Mohamed Ali va remporter 56 des 61 combats auxquels il va participer, dont 37 par KO. Mohamed Ali est un grand champion, mais c'est aussi un personnage hors du commun et à l'ego démesuré, on vient d'ailleurs de l'entendre, en plus d'être un homme habité de convictions profondes qu'il n'hésitera d'ailleurs pas à faire passer avant sa carrière de boxeur. Les puristes de la boxe le critiquaient parce qu'il gardait les mains basses. On doit garder les mains hautes devant sa figure. Lui, il gardait ses mains basses. Et sa façon de reculer devant les coups. On est supposé glisser, les laisser passer sans danger au-dessus de l'épaule. Lui, il reculait. C'était un gars qui frappait en reculant. Dans n'importe quel gym, on va vous dire que c'est impossible, qu'on ne peut pas faire ça. Mon gérant, il nous a appris à nous battre les mains en l'air, comme ça. Et si vous ne voyez pas les coups venir, vous les bloquez ici. Et si vous vous cachez derrière vos poings, votre adversaire est moins tenté de vous frapper parce qu'il ne voit pas d'ouverture. Mohamed Ali, il se battait les bras baissés, comme s'il vous invitait à vous approcher. Pour vous frapper, car il était plus rapide que vous. Il était si rapide sur ses pieds que c'était sa marque de commerce. There goes Molly Shuffle. This is something new that I'm introducing to the art of boxing. This is the regular dance that I use just before the shuffle. I'm moving and I'm jumping around, and just before you know it, split second, right after that shuffle, it's a good punch. Extrait d'un reportage présenté à l'émission Horizon en 1996. Pour nous parler de Mohamed Ali, ce personnage plus grand que nature, ce grand boxeur également qu'il a été, je reçois Serge Gaudreau, qui est historien et chargé de cours à l'École de politique appliquée de l'Université de Sherbrooke, amateur de boxe par ailleurs. Serge Gaudreau, bonjour. Bonjour. Mohamed Ali, c'est à la fois, Serge Gaudreau, un grand champion de boxe, en même temps que l'une des grandes figures emblématiques du mouvement contestataire des années 60 aux États-Unis. Qu'est-ce qui, pour vous, le définit le mieux? Ses exploits de boxeur ou ce symbole, justement, ce symbole politique qu'il est devenu? C'est une bonne question. Je vous dirais qu'avec le temps, les deux dimensions se sont entremêlées de telle façon qu'aujourd'hui, c'est difficile de dissocier l'une de l'autre. Si Ali n'avait pas été un grand champion boxeur, il aurait pu devenir musulman, il aurait pu refuser d'entrer dans l'armée, mais on n'en aurait pas nécessairement parlé beaucoup. Oui. Et en revanche, s'il n'avait posé que ces gestes-là et qu'il n'avait pas été un grand champion boxeur, ben, on peut se demander si aujourd'hui on en parlera encore. Écoutez, en 2021, si on parle de lui aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu de ces deux éléments-là, je pense, se sont entremêlés là, dans le personnage. Oui. Et quand on vous a demandé de préparer une émission sur Mohamed Ali, vous avez tout de suite proposé qu'on se concentre sur les années 60. Pourquoi? Parce qu'on aurait pu faire Mohamed Ali l'ensemble de l'œuvre. Pourquoi les années 60? J'ai l'impression que le personnage consensuel qu'il est devenu avec les années, dont le plus grand symbole est peut-être lorsqu'il a allumé la vasque lors des Jeux olympiques de 96 à Atlanta, ce personnage consensuel a fait pas mal oublier ce qu'il a été au cours des années 60. Et c'était un personnage consensuel d'une certaine façon. Il mettait soit les gens contre lui, ou il mettait les gens passionnément pour lui, mais c'était probablement le personnage le plus polarisant à ce moment-là de l'histoire du sport professionnel en Amérique du Nord, mais il l'était aussi dans le milieu social, dans le milieu politique. Moi, je dirais que les années 60 là, ont vraiment été le moment charnière de la vie de ce personnage-là. Oui, et c'est ce qui fait l'intérêt de Mohamed Ali pour une émission comme la nôtre, c'est que parler de lui, c'est parler d'une période précise, dans un pays précis, d'un mouvement précis aussi, donc les États-Unis dans les années 60. On y revient dans un instant, Serge Gaudreau, mais peut-être commencer par le commencement. Un petit mot sur lui, sur Mohamed Ali, le Mohamed Ali de l'enfance, d'avant les années 60. Son nom, son vrai nom, c'est Cassius Marcellus Clay. Il naît au Kentucky en 1942. Parlez-nous un petit peu de ses origines, de ses années de jeunesse, de formation. Bien, il vit une jeunesse quand même assez habituel pour un jeune afro-américain. C'est-à-dire que c'est une famille qui est très modeste. Son père est peintre en bâtiment. Sa mère est une mère à la maison. Il a une éducation chrétienne. Hein. Il apprend que Jésus est son sauveur. Et puis, il vit également dans un Kentucky qui est ségrégationniste. Ce n'est peut-être pas nécessairement le sud profond, mais quand même, il a composé dès son enfance avec la réalité de la ségrégation. Une enfance plutôt normale, jusqu'à l'âge de 12 ans, donc en 1954, ou selon la légende, mais c'est quand même assez bien documenté, lorsqu'il assiste à une exposition, il se fait voler sa bicyclette. Une chouine rouge et blanc qui est la prunelle de ses yeux. Alors, il se promet de réserver un mauvais sort à celui qui a fait le larcin. Il rencontre un policier qui s'appelle Joe Martin. Et Joe Martin, qui voit ce bonhomme qui est assez grand, mais qui est assez maigre, et qui lui dit, avant de penser de régler le compte de qui que ce soit, peut-être que tu devrais apprendre à boxer. Et justement, Martin donne des cours de boxe. À 12 ans, le jeune Clay, qui n'a aucun intérêt pour l'école, hein, ses institutrices vont en témoigner largement par la suite, qui à ce moment-là n'a pas beaucoup d'intérêt pour les filles, il va le reconnaître lui-même, a un intérêt, plus qu'un intérêt, c'est une passion pour la boxe, qui est une véritable piqûre. Et ça commence, la carrière commence donc comme ça. Il gagne, entre autres, il remporte une médaille d'or aux Jeux olympiques de Rome en 1960. Et puis, son premier grand coup d'éclat, on y revient, on en parlait au tout début de l'émission, c'est ce match, cette victoire, le 25 février 1964. Donc, Mohamed Ali, qui est à l'époque Cassius Clay, devient champion du monde dans ce combat qu'il oppose à Sonny Liston. Il a 22 ans seulement à ce moment-là, Serge Gaudreau. Parlez-moi de ce match-là, de cette victoire, de ses débuts dans l'arène professionnel. Mais ce qui est intéressant, comme le mentionnait tout à l'heure l'extrait que nous avons écouté, c'est son style. D'abord, dès le début, là, avant même de parler de politique ou de quoi que ce soit, son style est controversé. Les puristes de la boxe considèrent que sa façon de boxer, ses mouvements latéraux, les mains basses, les replis du tronc pour éviter les coups, ça échappe à la culture classique de la boxe, si on veut. Alors déjà, il est assez controversé et on lui prédit une carrière professionnelle très difficile. C'est pas nécessairement ce qui se produit. Il réussit entre 60 et 64 à accumuler les victoires sans avoir un palmarès éclatant. En fait, ce qu'il fait sortir le plus du lot, c'est ce qu'il fait hors de l'arène. Alors, il a cultivé un style fanfaron, un style gueulard. Il est sympathique pour les uns, il est irritant pour les autres, mais il ne laisse personne indifférent. On pourrait prendre deux petits exemples. D'abord, il aime lire des poèmes. Hein? Oui. On pourrait même dire des rimettes, là, parce que dans certains cas, c'est pas très élaboré, mais c'est tout à fait drôle parce que on n'a jamais vu d'athlètes se risquer à faire des choses semblables. À l'époque, là, des athlètes, c'est des modèles, c'est des gens comme Gordie Howe ou Mickey Mantle qui sont plutôt tranquilles. Et l'autre caractéristique qu'il va développer au fil des ans, c'est qu'il va prédire à quel round son adversaire va tomber. Tout ça contribue à créer autour de lui un intérêt dans un sport qui est pas mal en perte de vitesse au début des années 60, au point où le jeune Clay fait la couverture de Sports Illustrated, par exemple, au cours de ces années-là. Il n'est même pas champion du monde encore. Les gens s'intéressent à lui. On remplit le Madison Square Garden pour le voir boxer, alors que ça fait des années qu'on ne l'a pas fait. Alors, quand il affronte Liston, c'est pas tellement qu'on s'attend à ce qu'il batte Liston, parce que tous les journalistes disent qu'il va perdre. C'est qu'on s'attend à avoir un show. Oui. Il se passe quelque chose dans le monde de la boxe là, quand il arrive, Mohamed Ali, ça c'est absolument sûr. Absolument. Et ça polarise énormément parce qu'il y a ceux qui disent, voici un exemple de cette jeunesse artificielle des années 60, cette jeunesse qui n'a pas travaillé fort, qui va obtenir un combat de championnat seulement parce qu'il est une grande gueule. Et de l'autre côté, il y a des gens qui l'épousent carrément et qui disent, non, on a besoin de ce vent d'air frais-là. Ouais. Et cette victoire contre Sonny Liston, puis il y aura un match revanche, ça c'est en 64, le match revanche a lieu le 25 mai 65, ça a l'effet d'un coup de tonnerre dans le monde de la boxe. Absolument, au point où il y a beaucoup de gens qui disent « c'est arrangé hein? ». Ah oui. Ça, c'est à l'ère du temps. Ah, absolument, c'est à l'ère du temps parce qu'il y a les deux éléments. Il y a Clay qui est considéré comme encore assez vert à ce moment-là et il y a Liston qui était considéré comme un champion invincible. On ne voyait pas Liston perdre et surtout pas contre ce type-là. Mm-hmm. Alors, sa victoire, au début, elle laisse beaucoup de gens sceptiques. Ouais. Vous parliez du personnage qu'il a été, ses poèmes, cette espèce d'arrogance, là, prédire le round dans lequel ça va se jouer. Il y a ça, puis il y a l'homme de spectacle, puis ça va donner ce qui suit. When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we've Mohamed Ali, qui s'appelle toujours Cassius Clay à l'époque, interprétant sur 10 la chanson Stand By Me en 1963. On y revient avec ce qu'on vient d'entendre, à ce personnage haut en couleur qu'on évoquait déjà il y a quelques minutes, Serge Gaudreau. Comment décrire ce personnage plus grand que nature, un brin égocentrique qu'a été Mohamed Ali? Je dirais que la principale caractéristique, c'était à ce moment-là, avant qu'il change la religion, la principale caractéristique, c'est le plus grand vendeur de l'histoire du sport venant d'un athlète. C'était très rare, comme je le disais tout à l'heure, que les athlètes s'impliquent eux-mêmes dans la promotion de leur sport. Ce bonhomme-là, il est sur toutes les tribunes. Il ne dit jamais non à un journaliste, ne dit jamais non à un photographe, se prête à tous les reportages, à toutes les entrevues et est continuellement en mode promotion. C'est vraiment, là, on n'a jamais vu ça. Et ce qui est fascinant, c'est un Afro-Américain. Mm-hmm. Et il faut se remettre dans le contexte de l'époque, là, de voir ce bonhomme-là qui dit de ses adversaires que tu vas tomber à la sixième ronde, tu vas tomber à la septième ronde, ou prétendre que Sonny Liston était un gros ours mal léché, etc. Mm-hmm. C'est déjà une grosse bouchée à avaler, mais il faut considérer que ça vient d'un Afro-Américain qui vient en plus d'un État où on pratiquait la ségrégation au début des années 60. Alors, c'est une grosse bouchée à accepter pour le public américain. C'est à lui seul, c'est presque une révolution en ce sens-là. Puis il faut être culotté, il crée des attentes là, avec cette arrogance-là. Il faut livrer, il faut assurer, pour, comme on dit. En 64, Cassius Clay devient Cassius X, puis éventuellement Mohamed Ali. Pourquoi? Pourquoi ce changement de nom? Il gravitait dans les milieux de ce qu'on appelle la Nation of Islam depuis le début des années 60. C'est-à-dire que, comme je disais tout à l'heure, il a reçu une éducation chrétienne, mais par la suite, il s'isole de sa famille un petit peu, va notamment boxer dans le coin de Miami, rencontre des gens de la Nation of Islam et devient familier avec leur discours. Il y a deux grandes influences. Il y a un leader, on pourrait dire, un leader spirituel du mouvement qui s'appelle Elijah Muhammad, que le jeune Cassius Clay admire. Puis il y a également un leader charismatique, qui est le fameux Malcolm X, Malcolm Little, qui lui aussi connaît très bien le jeune Clay. Et ces deux influences-là vont l'amener à graviter tranquillement vers la Nation of Islam. Un groupe qui, on a le mot « islam » dans le titre, mais en réalité, c'est une espèce d'amalgame de nationalisme afro-américain, mm-hmm, qui, à bien des égards, prend même le dessus sur le côté religieux. Mais le jeune Clay, écoutez, on est dans les années 60, des années de changement, il est très attiré par eux et il va joindre la Nation of Islam. Par contre, il ne l'annonce pas officiellement avant sa conquête du championnat en 64 contre Sonny Liston. Oui. Donc, c'est ce qui l'amène à changer son nom. Et puis, ce sera comme une marche. Ça. Il va, plus le temps passe, plus il va se tourner vers un engagement politique, vers cette religion, cette culture, entre guillemets, islamique. Et puis, en 67, il pose un geste très concret. Il refuse, Mohamed Ali, de se joindre à l'armée américaine et de participer à la guerre du Vietnam. On écoute un extrait du bulletin de nouvelles du réseau américain ABC du 29 avril 1967. Vous allez y entendre Mohamed Ali justifier sa décision. As you know, the heavyweight champion of the world has just made his decision. Comme vous le savez, le champion du monde des poids lourds vient de prendre sa décision. Il refuse de se joindre aux forces militaires américaines. C'est aussi son choix personnel pour l'instant de ne faire aucune déclaration et de ne parler à personne, bien qu'il ait consenti à s'asseoir ici devant cette caméra avec ce journaliste. Before this camera, with this reporter. He has issued a written statement, however. Il a présenté une déclaration écrite, dont j'ai une copie en main, dans laquelle il dit simplement avoir fait son choix basé sur ses convictions personnelles, tout en ayant pleinement conscience des conséquences possibles de sa décision. Of the implications and possible consequences. Une semaine plus tôt, le champion n'était pas aussi réticent à préciser ses raisons. À Louisville, dans le Kentucky, il s'est exprimé haut et fort. He spoke out loud and clear. And I will say here boldly now on television, no. Et je vais le dire ici clairement à la télévision. Non, je n'irai pas à 16 000 km d'ici pour aider à assassiner et tuer un autre pauvre peuple, simplement pour poursuivre la domination des esclavagistes blancs envers les gens de couleur sur cette terre. The domination of white slave masters over the darker people of the earth. Alors, comment est perçue cette prise de position très forte, on vient de l'entendre, de Mohamed Ali contre la guerre du Vietnam, Serge Gaudreau, et comment, de fait, est-il perçu, Mohamed Ali, à ce moment-là, par la population américaine? Alors, si le fait d'adopter un nom, d'embrasser la religion de la Nation of Islam et d'adopter un nom musulman était déjà une grosse bouchée, vous vous doutez bien que le fait de refuser de joindre l'armée américaine et d'aller au Vietnam, là, c'était vraiment en ajouter une couche qui a fait déborder le vase. Mm-hmm. Alors, il devient un personnage qui était déjà assez polarisant. Mais là, ça s'amplifie au-delà de toute proportion. Il faut se souvenir que l'engagement américain au Vietnam à ce moment-là, ça implique au-dessus d'un demi-million d'Américains là, qui se retrouvent au Vietnam. Donc, beaucoup de jeunes, beaucoup de gens qui ont vu mourir, des parents, des frères, des sœurs. Alors, pour cet homme qui est un athlète professionnel, qui est à l'aise financièrement, qui est jeune, qui est beau, qui est en pleine santé, de refuser de servir son pays à ce moment-là, c'est considéré comme carrément comme un acte de trahison à l'endroit du pays. C'est comme dire, regardez comme le pays a été bon pour toi, et toi, tu refuses de le servir. Alors, ça lui attire plus que l'inimitié. Là, on va lui retirer son permis de boxeur, on va lui retirer son titre de champion du monde. Et à partir de mars 67, il ne boxe plus professionnellement. Donc, un prix fort qu'il va payer de cette prise d'opposition politique. Qu'est-ce qu'il devient, de fait, durant cette période? Ça va durer quelques années où il ne peut plus boxer. Ça dure 3 ans et demi, et pendant cette période-là, il va gagner des sommes modestes parce qu'il ne peut même pas aller boxer à l'extérieur des États-Unis. Donc, il participe, par exemple, il va donner des conférences sur les campus américains, au début avec plus ou moins de succès, puis graduellement, il va peaufiner son discours, comme il va peaufiner aussi son argumentaire pour s'opposer à la guerre du Vietnam, qui va évoluer au fil des ans. Il va participer à des petites choses, il participe à une pièce de théâtre sur Broadway qui va être un échec. Il livre un combat par ordinateur contre un ancien champion blanc, Rocky Marciano, tout ça évidemment pour aller chercher un petit peu d'argent, parce que s'il va en appel, il faut évidemment qu'il paye ses avocats. Alors, ce sont 3 années et demie qui sont très difficiles pour lui, parce que nous savons aujourd'hui qu'il va revenir à la boxe, mais lui, à l'époque, il ne le sait pas. Oui. En même temps, année difficile sur le plan financier, une grande partie de la population américaine, vous nous le disiez, qui crie entre guillemets à la trahison. En même temps, c'est les années 60, puis on va déborder sur les années 70. Le Vietnam... Ça fait mal à cette nation américaine. Il y a des voix qui sont critiques. Il n'est pas le seul, Mohamed Ali, à critiquer cette guerre-là. Est-ce qu'il va, d'une certaine façon, aussi profiter d'une vague de sympathie? Bien, c'est-à-dire qu'on lui reconnaît le courage de ses convictions. Et le prix, comme vous le mentionniez tout à l'heure, qu'il paie est très lourd. Là. C'est beaucoup d'argent qu'il laisse sur la table en refusant de boxer, d'autant plus qu'on a le sentiment qu'il aurait pu faire, par exemple, comme Joe Louis pendant la Deuxième Guerre mondiale, et puis aller au Vietnam et faire la tournée des campements, serrer la main des militaires, etc. Une espèce d'ambassadeur, si on veut, qui encourage les gens, comme Bob Hope le fait. Il aurait pu faire ça. Et en refusant de le faire et en collant à son principe qu'il ne veut pas participer à cette guerre, à « Ain't got no quarrels against them, Viet Cong », qui est une des citations les plus célèbres d'Ali, il gagne certains appuis. En même temps, évidemment, comme je disais tantôt, il s'attire l'inimitié des gens. Mais la guerre du Vietnam, elle, devient de plus en plus impopulaire, ce qui tend un petit peu à valider sa position. Même des gens comme Martin Luther King, à une certaine époque, qui avait des réticences face à Ali. Avant sa mort, King commence à se rapprocher d'Ali et à apprécier sa position anti-Vietnam. Ouais. Alors, on quitte les années 60, ce symbole que vous avez très bien décrit, qui a été, bon, champion, mais aussi symbole de la résistance, entre autres, face à la guerre du Vietnam, qui a été Mohamed Ali, son aspect le plus historique, probablement. Puis on revient à la boxe, puis on va déborder un petit peu vers les années 70, parce qu'on ne peut pas ne pas parler d'au moins 2 combats importants qui vont marquer la carrière de Mohamed Ali et le sport, la boxe comme telle. Le 8 mars 71, d'abord, Ali affronte le nouveau champion du monde, Joe Frazier. On va appeler ce combat le combat du siècle. C'est pas rien. En quoi ce combat-là est-il important, Serge Gaudreau? Une conjoncture absolument extraordinaire sur le plan sportif. On se retrouve avec 2 champions du monde des poids lourds qui ont une parfaite légitimité. Frazier n'a jamais perdu Et Ali, non plus, n'a jamais perdu chez les professionnels. Les deux peuvent être connus, en fait, comme le véritable champion du monde, ce qu'Ali prétend toujours être. Alors, lorsqu'ils s'affrontent, on va trancher. On a le style d'Ali, donc le boxeur classique, les déplacements latéraux, la danse, les mains basses. Et face à lui, il y a Joe Frazier, qui est le cogneur, le boxeur qui met de la pression sur son adversaire pour essayer de l'envoyer au plancher. Mais il y a aussi la dimension politique du personnage, car Ali fait évidemment jaser énormément. En fait, on pourrait dire que ce soir-là, avec tout le respect du monde pour Joe Frazier, qui fait un combat formidable et qu'il gagne, il faut le préciser, c'est pas tellement une élection entre Mohamed Ali et Joe Frazier pour le grand public. C'est un référendum entre les pro-Ali et les anti-Ali. Les anti-Ali ont hâte de le voir se faire clouer le bec et ils vont être servis ce soir-là. Et les pro-Ali, eux, vont vivre littéralement un soir de deuil. Mais le combat du siècle, là, écoutez, c'est des recettes comme on n'en a jamais vu dans l'histoire de la boxe. Les deux hommes se partagent 5 millions de dollars. C'est plus que des équipes de baseball professionnelles au complet là, à ce moment-là. On n'a jamais vu ça. C'est vraiment la démesure. Et c'est rendu possible, évidemment, encore une fois, je le répète, avec tout le respect qu'on a pour Joe Frazier, c'est rendu possible par la personnalité de Mohamed Ali. Autre combat important, celui qui l'oppose à George Foreman en 1974. De quelle manière ce combat-là est-il important? Bien, on pourrait dire que c'est la rédemption après l'exil et évidemment après la défaite comme Frazier. Beaucoup de gens pensent que c'est fini pour Ali. Et là, au contraire, il entreprend une croisade qui va durer carrément 3 ans et qui va se solder contre un combat, contre un champion qu'on pense encore plus invincible que Joe Frazier, parce que George Foreman a passé le knock-out à Joe Frazier en 2 rounds. Alors on se dit, Ali n'a aucune chance de battre ce bonhomme-là. Et c'est ce qui se produit. C'est une surprise, mais de voir Ali regagner son titre devient une espèce de consécration que l'on n'attendait plus beaucoup, même chez beaucoup de ses partisans. On ne croyait plus qu'il avait ce qu'il fallait pour battre George Foreman. Et là, de le revoir champion du monde, il y a quand même 32 ans, c'est vraiment un événement impressionnant dont on va parler partout à travers le monde, d'autant plus que le combat avait eu lieu en Afrique, dans ce qu'on appelait à l'époque le Zaïre. Et Ali se trouve réhabilité aussi, il ne faut pas perdre de vue, parce qu'en 71, la Cour suprême met fin à la menace d'emprisonnement et d'amende qui pesait sur sa tête. Donc, sur ce plan-là, il est réhabilité. Sa victoire en 1974 le réhabilite aussi sur le plan boxe. Il redevient champion du monde. C'est seulement le deuxième à reconquérir son titre. Et puis, si on peut parler d'une autre forme de réhabilitation, le président des États-Unis, Gerald Ford, va accueillir Ali à la Maison-Blanche d'un homme qu'on appelait le Draft Dodger il n'y a pas si longtemps. C'est un sacré bout de chemin qui a été accompli. Serge Gaudreau, historien et chargé de cours à l'École de politique appliquée de l'Université de Sherbrooke, ça a été vraiment un grand plaisir de vous recevoir à cette émission. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Merci également à Mathieu Beauchamp à la réalisation de cette émission, à la recherche Caroline Morin et Annie Richer, recherche d'archives Mario Bolduc et Fanny Leblanc, au site Internet Olivier Lalande. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou sur notre application Radio-Canada Audio. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.